Tableau de la nature de François-René de Chateaubriand. 10. Les adieux. Le temps m'appelle, il faut finir ces vers. À ce penser défaillit mon courage. Je vous salue, ô vallon que je perds. Écoutez-moi, c'est mon dernier hommage. Loin, loin d'ici, sur la terre égarée, je vais traîner une importune vie. Mais quelque part que j'habite ignorée, ne craignez point qu'un ami vous oublie. Oui, j'aimerais ce rivage enchanteur. C'est mon désert qui remplissait mon cœur et de silence et de mélancolie. Sur tous ces bois chers à ma rêverie, où je voyais, de buisson en buisson, voler sans bruit un couple solitaire, dont j'entendais, sous l'orme héréditaire, seul, attendri, la dernière chanson. Simples oiseaux, retiendrez-vous la mienne. Parmi ces bois, ah, qu'ils vous en souviennent. En te quittant, je chante tes attraits, bord adoré de ton maître fidèle. Si les talents égalaient les regrets, ces derniers vers n'auraient point de modèle. Mais au pinceau de la nature épris, la gloire échappe et n'en est point le prix. Ma muse est simple et rougissante et nue. Je dois mourir ainsi que l'humble fleur qui passe à l'ombre et seulement connue de ces ruisseaux qui faisaient son bonheur.